Troisième partie, chapitre 28 de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 28, des jugements téméraires. « Ne jugez point, et vous ne serez point jugés, » dit le sauveur de nos âmes. « Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. » « Non, » dit le saint apôtre, « ne jugez pas avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne révéler le secret des ténèbres et manifester les conseils des cœurs. » « Oh, que les jugements téméraires sont désagréables à Dieu. Les jugements des enfants des hommes sont téméraires, parce qu'ils ne sont pas juges les uns des autres, et qu'ils usurpent les droits et l'office de notre Seigneur. Ils sont encore téméraires, parce que la principale malice du péché dépend de l'intention et du conseil du cœur, et c'est le secret des ténèbres pour nous. Ils sont enfin téméraires, parce que c'est assez à chacun que d'avoir à se juger soi-même sans entreprendre de juger son prochain. Il est également nécessaire, pour n'être point jugé, de ne pas juger les autres et de se juger soi-même, puisque le Sauveur nous défend l'un l'autre et que l'apôtre nous ordonne l'autre en ces termes. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions point jugés. Mais, ô Dieu, nous faisons tout le contraire, car nous faisons ce qui nous est défendu en jugeant notre prochain à tout propos, et à l'égard de ce qui nous est ordonné, nous ne le faisons jamais, et c'est de nous juger nous-mêmes. Les jugements téméraires ayant divers principes, il faut y apporter des remèdes différents. Il y a des cœurs naturellement aigres, amers et sévères, qui répandent leur aigreur et leur amertume indifféremment sur toute chose, et qui changent le jugement et la justice en absinthe. Comme dit le prophète Amos, ne jugeant jamais du prochain qu'en toute rigueur et avec dureté. Ceux-là ont besoin d'un médecin spirituel qui soit bien habile, d'autant que ce malheur étant naturel, il est difficile de le vaincre. Et quoique cette amertume de cœur ne soit pas un péché, mais seulement une imperfection, elle est toutefois une disposition habituelle et fort déterminante au jugement téméraire et à la médisance. Quelques-uns jugent témérairement, non pas par aigreur d'esprit, mais par orgueil, voulant se persuader qu'à proportion qu'ils abaissent les autres, ils relèvent leur propre mérite. Esprit arrogant et présomptueux, qui s'admirent sans cesse et qui s'élèvent si haut dans les idées de leur propre estime, qu'ils regardent tout le reste comme quelque chose de bas et de petit. « Non, disait ce sot pharisien, je ne suis pas semblable aux autres hommes. » Il en est d'autres dont l'orgueil n'est pas si déclaré et qui considèrent le mal de leur prochain avec complaisance et par rapport au bien qu'ils pensent être en eux, pour le goûter avec plus de douceur dans cette opposition et pour s'en faire estimer davantage. Or, cette complaisance est si imperceptible qu'il faut avoir de bons yeux pour l'apercevoir, jusque-là même que ceux qui en nourrissent leur cœur ne la voient pas d'ordinaire, à moins qu'on ne la leur découvre. Plusieurs, cherchant à se flatter et à se justifier contre les reproches de leur conscience, jugent volontiers que les autres sont atteints du même vice qu'eux ou bien d'un aussi grand, et en même temps, ils se persuadent que le nombre des criminels rend leur péché moins blâmable. Plusieurs aussi se font une occupation d'esprit et un plaisir de philosopher par de vaines conjectures sur l'humeur, sur l'inclination et sur les mœurs des autres, tellement que si par malheur ils rencontrent bien quelquefois dans ces jugements, ils en deviennent si faciles et si hardis à juger que l'on a bien de la peine à les en détourner. Mais combien y en a-t-il qui jugent par passion, pensant toujours mal de ce qu'ils haïssent et toujours bien de ce qu'ils aiment ? Oui, sinon en un seul cas fort étonnant, mais trop véritable, et c'est que l'excès de l'amour provoque souvent à juger mal de la personne qu'on aime, effet monstrueux d'un amour impur, imparfait, troublé et malade. Maudite jalousie qui, comme l'on sait, condamne les personnes de perfidie et d'adultère sur un simple regard, sur la légèreté d'une parole, sur le moindre sourire. Enfin, la crainte, l'ambition et les autres faiblesses de l'esprit contribuent beaucoup et souvent à la production de ce vain soupçon et de tous ces jugements téméraires. Mais quel remède à tant de maux ? L'on prétend que ceux qui ont bu du suc d'une herbe d'Éthiopie, que l'on appelle Ophusa, s'imaginent voir partout des serpents et mille objets affreux. Et pour les guérir, il faut leur faire boire un peu de vin de palmier. Quoi qu'il en soit, je dis que ceux dont l'orgueil ou l'envie ou l'ambition ou la haine a corrompu le cœur ne voient plus rien, qu'ils ne trouvent mauvais et blâmable. Et j'ajoute qu'il n'y a que l'esprit de charité, dont la palme est un symbole, qui puisse les affranchir de cette perverse inclination à faire tant de jugements téméraires et iniques. La charité craint de rencontrer le mal, bien loin qu'elle aille le chercher, et quand elle le rencontre, elle se détourne et fait semblant de ne l'avoir pas vu. Bien plus, elle ferme les yeux, pour ne pas le voir, au premier bruit qu'elle entend. Et puis, par une sainte simplicité, elle croit que ce n'était pas le mal, mais seulement l'ombre ou quelque apparence du mal. Que si, malgré elle, et comme par force, elle reconnaît que c'est le mal même, elle en détourne aussitôt les yeux et tâche d'oublier tout ce qu'il est. La charité est donc le grand remède à tout mot, mais spécialement à celui-ci. Toutes choses paraissent jaunes aux yeux des ictériques, et l'on dit que pour les guérir, il faut leur faire porter de l'éclair sous la plante des pieds. Certes, la malice du jugement téméraire est comme une jaunisse, laquelle fait paraître toutes choses mauvaises aux yeux de ceux qui en sont frappés. Or, qui en veut guérir, ne doit pas appliquer le remède à l'esprit, mais aux affections du cœur, lesquelles peuvent être appelées figurément les pieds de l'âme, parce que c'est par elles qu'elle se porte où elle veut. Si donc vous avez de la douceur et de la charité dans le cœur, tous vos jugements seront doux et charitables, et en voici trois exemples admirables que je vous présente. Isaac avait dit que Rebecca était sa sœur, et Abimélec, qui s'aperçut de quelques démonstrations d'amitié entre eux, fort tendre et très familière, jugea que c'était sa femme. Un œil malin eût jugé qu'elle était sa maîtresse, ou que si elle était sa sœur, il était lui-même un incestueux. Mais Abimélec prit le pari charitable qu'il pouvait prendre sur un tel fait. Voilà comme l'on doit juger favorablement du prochain autant que l'on peut. Et si une action avait 100 aspects différents, il faudrait la regarder uniquement par le plus bel endroit. Saint Joseph ne pouvait douter que la Sainte Vierge ne fût enceinte, mais parce qu'il connaissait son éminente sainteté et sa vie toute pure, toute angélique, il ne se permit pas le plus léger soupçon contre elle, quelque violent que fussent ses préjugés. Ainsi, il prit la résolution en la quittant d'en laisser tout le jugement à Dieu. L'Esprit divin nous fait remarquer dans l'Évangile qu'il en usa de la sorte parce qu'il était un homme juste. Or, l'homme juste qui ne peut absolument excuser ni le fait ni l'intention d'une personne dont il connaît la probité n'en veut pas juger, et tâche même d'ôter cela de son esprit et en laisse le jugement à Dieu. Mais le Sauveur crucifié, ne pouvant excuser entièrement le péché de ceux qu'il avait attachés à la croix, voulut au moins en diminuer la malice par la raison de leur ignorance. De même, quand nous ne pouvons excuser le péché de notre prochain, tâchons de le rendre digne de compassion en rejetant sa faute sur le principe le plus tolérable qu'elle puisse avoir, comme sur son ignorance ou sur sa faiblesse. Ne peut-on donc jamais juger de son prochain ? Non, Philothée, car c'est Dieu même qui juge les criminels dans les jugements de la justice humaine. Il est vrai que ce sont les magistrats qui y paraissent et qui y parlent, mais ils ne sont que ses ministres et ses interprètes. Ils n'y doivent rien prononcer que ce qu'ils ont appris de lui, et leurs arrêts doivent être ses propres oracles. S'ils s'éloignent de cette règle pour suivre leur passion, alors ce sont véritablement eux qui jugent, et qui par conséquent seront jugés. Car il est absolument défendu aux hommes, en qualité d'homme, de juger les autres. Voir ou connaître une chose, ce n'est pas en juger, puisque le jugement, ainsi que la Sainte Écriture s'en explique, présuppose toujours quelque sorte de raison, grande ou petite, véritable ou apparente, que l'on doit examiner prudemment. C'est pourquoi, elle dit, que ceux qui n'ont pas la foi sont déjà jugés, parce qu'il n'y a nulle raison de douter de leur damnation. Ce n'est donc pas mal fait, direz-vous, de douter de son prochain. Non absolument, puisqu'il n'est pas défendu de douter, mais de juger. Il n'est pourtant pas permis ni de douter, ni de soupçonner, sinon précisément autant que les raisons que nous en avons nous y obligent. Autrement, les doutes et les soupçons seraient téméraires. Si quelque œil malin eût vu Jacob, quand il baisa Rachel auprès du puits, en la saluant honnêtement selon l'usage établi, ou qu'il eût vu Rebecca recevoir des bracelets et des pendants d'oreilles de la main d'Élisée, l'homme inconnu en ce pays-là, il eût sans doute mal jugé de ces deux jeunes personnes, qui étaient des exemples de chasteté, mais sans raison ni fondement. Car lorsqu'une action est indifférente d'elle-même, c'est un soupçon téméraire d'en tirer une mauvaise conséquence, à moins que plusieurs circonstances ne forment ensemble une raison bien convaincante. Enfin, ceux qui sont attentifs à régler leur conscience ne sont guère sujets à juger témérairement. Et bien loin de perdre leur réflexion à démêler les actions et les intentions de leur prochain, dont la conduite paraît obscure et embarrassée, ils se rappellent à eux et mettent toute leur application à réformer et à perfectionner leur vie. semblables aux abeilles qui, dans les temps obscurs et nubileux, se retirent en leur ruche pour s'y occuper de leurs petits travaux ordinaires. Il n'y a qu'une âme inutile qui s'amuse à examiner la vie des autres, excepté cependant ceux qui y sont obligés, soit dans une famille, soit dans un état, d'autant que l'inspection et la vigilance font une bonne partie de leurs devoirs. Qu'ils s'en acquittent donc avec un vrai amour, et après cela, qu'ils ménagent leurs réflexions pour eux-mêmes. Fin du chapitre 28, troisième partie.